إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، chers auditeurs, bienvenue à vous pour cette nouvelle série de cours durant laquelle nous allons lire ensemble, inshallah ta'ala, une recommandation immense écrite par un des imams de nos pieux prédécesseurs, rahimahumullah ta'ala, Sofiane Thawri, rahimahullah. Et cette recommandation, elle concerne le comportement à adopter avec les gens, c'est-à-dire les qualités desquelles doit se parer la personne afin de pouvoir adopter une bonne conduite à l'égard des différentes personnes qu'elle peut côtoyer. Nous allons donc lire ensemble cette recommandation, accompagnée de quelques annotations que j'ai tirées d'un résumé d'un commentaire écrit par l'un de nos frères étudiants en sciences, qu'Allah subhanahu wa ta'ala le récompense. Donc tout d'abord, pourquoi avoir choisi cette recommandation plutôt qu'une autre? La réponse est que cette recommandation a été écrite, comme on l'a dit, par un des grands imams des salafs, un des plus grands savants de la communauté. Et les paroles des salafs, elles ont la particularité d'être des paroles courtes aux bénéfices nombreux au sens immense. Et ce car nos salafs, rahimahumullah ta'ala, lorsqu'ils parlaient, ils prenaient pour modèle le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à qui il a été accordé jawami'ul kalim, c'est-à-dire les paroles succinctes, des paroles courtes, au sens large et immense. Donc même dans leur manière de parler, ils prenaient pour modèle le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est pour cela que leurs paroles étaient très bénéfiques. Contrairement aux paroles des gens de notre époque, qui peuvent souvent être longues, mais avec seulement peu de bénéfices, wallahu al-musta'an. Et il n'y a qu'à méditer sur ce que l'on peut observer aujourd'hui à travers ce que l'on appelle les réseaux sociaux, où les gens passent leur journée à écrire, à tweeter, à poster des messages et ainsi de suite. Ils parlent beaucoup, mais on ne tire de ces nombreuses paroles que très peu de profit. Il se peut même que beaucoup de ces paroles soient bien plus nuisibles qu'elles ne soient utiles. Et ce qui fait la différence entre les paroles des salafs et les paroles de ceux venus après eux, et que nos pieux prédécesseurs, rahimahumullah ta'ala, lorsqu'ils parlaient, ils parlaient pour Allah subhanahu wa ta'ala. Leur objectif était d'obtenir la satisfaction de leur Seigneur, et ils cherchaient à se rapprocher de lui par ses paroles. Ils faisaient donc attention à chacun des mots qu'ils prononçaient, et veillaient à ce que ces mots soient utiles et bénéfiques pour ceux à qui ils allaient parvenir. Et les gens aujourd'hui agissent à l'inverse de cela. Comme on a dit sur les réseaux sociaux, lorsque les gens écrivent, beaucoup d'entre eux, qu'est-ce qu'ils cherchent? Ils cherchent à écrire une parole qui plaît, une parole qui sera beaucoup retweetée, une parole qui sera beaucoup partagée. Il veut beaucoup de likes, il veut attirer des abonnés. Et il ne se soucie que très peu, dans beaucoup de cas, de chercher l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce qui lui est profitable pour les gens, wallahu al-musta'an. Donc on tire de cela un bénéfice d'une grande importance, qui est que la science d'une personne, elle ne se mesure pas par la quantité de ses paroles, ou le nombre de ses livres, ou le nombre de ses cours, et ainsi de suite. Beaucoup de gens aujourd'hui pensent que si une personne parle beaucoup, que si une personne écrit beaucoup de choses sur les réseaux sociaux, a beaucoup de cours, a beaucoup de livres, a beaucoup de fatwas, alors forcément, il a plus de science que celui que l'on entend moins. Et ceci est une erreur. Et c'est une manière erronée d'évaluer les choses. Et pour montrer la fausseté de cela, l'imam Ibn Rajab, rahimahullah ta'ala, a écrit un livre à ce sujet, intitulé « Bayan fadli ilmi salaf ala ilmi al-khalaf », l'exposé du mérite de la science des salafs sur la science des khalafs. Les salafs, les prédécesseurs, et les khalafs, les successeurs. Donc il a exposé que la science des salafs avait un mérite plus grand que celle de ceux venus après eux. Et il a démontré que la science ne se mesure pas par le nombre de paroles de la personne. Et ça, c'est un point d'une grande importance. Donc parmi les paroles des salafs qui nous sont parvenues, il y a cette lettre écrite par l'imam Abu Abdillah Sufyan ibn Sa'id al-Thawri rahimahullah ta'ala, un des imams de l'islam à son époque. Il est né en l'an 97 de l'Hégire et il est mort en l'an 161. Et il a vécu à l'époque des grands savants de l'islam. Sufyan al-Thawri rahimahullah ta'ala, il se trouvait à Al-Kufa. Et à son époque, on retrouvait au Hijaz, à Médine, l'imam Malik ibn Anas, rahimahullah ta'ala. En Égypte, il y avait l'imam Al-Layth ibn Sa'd, rahimahullah. Au Sham, on trouvait l'imam Al-Awza'i. À Khurasan, on trouvait l'imam Abdullah ibn al-Mubarak. Al-Basra, on trouvait l'imam Hammad ibn Zayd, rahimahumullah ta'ala. Ces savants étaient donc les grands savants des musulmans à cette époque. Et Sufyan al-Thawri, rahimahullah ta'ala, il faisait partie des plus éminents parmi eux, aussi bien dans le domaine de la science que dans le domaine de l'adoration, de l'ascétisme, du hadith, mais également de la mémorisation. C'était un imam dans tous ces domaines. Et c'est pour cela que l'imam des gens de la sunnah, Ahmad ibn Hanbal, rahimahullah ta'ala, avait une grande estime pour Sufyan al-Thawri. Et il disait à son sujet, « Personne ne le devance dans mon cœur. » C'est-à-dire, personne n'a dans mon cœur, parmi les savants, une place plus grande que celle de Sufyan al-Thawri, rahimahumullah ta'ala. Et ce, car cet imam, comme on a dit, il avait réuni différentes qualités, aussi bien en termes de science que d'ascétisme, d'adoration, mais aussi de mémorisation. On rapporte de lui, rahimahullah ta'ala, qu'il a dit au sujet de sa mémoire qu'il n'avait pas placé une chose dans son cœur sans la retenir. C'est-à-dire qu'il n'a jamais rien oublié de ce qu'il avait mémorisé. Il lui suffisait d'écouter une chose pour la retenir. Et ce à tel point que lorsqu'il passait à côté du couturier au marché, qu'est-ce qu'il faisait? Il se bouchait les oreilles. Et il disait qu'il faisait cela par crainte de mémoriser ce que le couturier disait. Car il ne voulait pas que ses paroles prennent place dans son cœur. Et il voulait réserver son cœur à la mémorisation de la science et des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il y a en cela pour nous une leçon immense à tirer. Et c'est que ton cœur, c'est la chose la plus importante et la plus noble que tu détiens. Tu dois donc sans cesse veiller à ce que ton cœur soit propre et pur. Et ne placer dans ton cœur que des choses nobles, que des choses importantes, et le préserver de toute souillure, de toute chose vile, de toute chose nuisible. Imagine-toi que tu possèdes chez toi un coffre-fort. Qu'est-ce que tu vas mettre dans ce coffre-fort? Est-ce que tu vas y placer tes restes de nourriture ou tes déchets? Est-ce que tu vas ranger ton linge sale dans ce coffre-fort? Ou des choses sans importance dont tu n'as pas besoin? La réponse est non, bien évidemment. Mais dans ce coffre-fort, tu vas ranger les choses de valeur. Les bijoux en or et en argent, les richesses que tu possèdes, tes papiers importants, et ainsi de suite. Alors que dire de ton cœur? Penses-tu qu'il convient de placer dans ton cœur des souillures, des déchets ou des choses nuisibles? Ne sais-tu pas que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit dans ce hadith que l'on ne cesse de répéter dans différents cours? Il y a dans le corps une bouchée de chair. Si elle est bonne, c'est tout le corps qui sera bon. Et si elle est mauvaise, c'est tout le corps qui sera mauvais. Et cette bouchée de chair n'est autre que le cœur. Donc dans ton cœur, tu ne dois placer que des choses qui te seront profitables. À commencer par la science religieuse, la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, la connaissance de son prophète sallallahu alayhi wa sallam, la connaissance de la religion de l'islam. Certaines personnes ont de l'attrait pour l'apprentissage de la science. Ils assistent aux cours, ils lisent des livres, ils prennent des notes, ils font des résumés, ils posent des questions et ainsi de suite. Mais ils ne veillent pas à la purification de leur cœur. Et ils remplissent leur cœur de toutes choses, même des choses inutiles, des choses dont ils n'ont pas besoin, sans parler des choses nuisibles. Combien sont ceux à connaître les moindres détails de choses sans importance et à les mémoriser? Combien sont ceux à suivre les informations des pays du monde entier et même des choses par lesquelles ils ne sont pas concernés. Toutes ces choses que tu lis, auxquelles tu t'intéresses, tu dois être conscient qu'elles prennent une place dans ton cœur. Et cette place qu'elles prennent, c'est une place qui ne sera plus libre pour la science. Tout en sachant que la science n'accepte pas d'être mélangée à ces choses. Donc celui qui recherche réellement la science, il a besoin de donner de l'importance à la purification de son cœur, afin que son cœur puisse s'emplir de science profitable, bi'idhnillahi ta'ala. Et si tu as compris cela, alors tu sauras avec certitude à quel point les téléphones et les réseaux sociaux sont aujourd'hui des freins et des obstacles à l'acquisition de la science religieuse. Sans parler du temps qu'ils prennent, ils te font aussi accéder à des choses qui prendront dans ton cœur la place de la science. Wallahu al-musta'an. Donc Sofiane al-Thawri, rahimahullah ta'ala, il a écrit cette lettre, on a dit, à Abbad ibn Abbad, al-Ramli Abu Udba al-Khawas, qui lui était un des grands adorateurs et un des grands ascètes de cette époque qui se trouvait dans la région du Cham. Et il est mort en l'an 181 de l'Hégire. Et lui-même, Abbad, il était connu pour ses belles recommandations. Parmi les recommandations qui nous sont rapportées de lui, il y a cette parole immense qu'il a prononcée au sujet de la fraternité. Il a un jour blâmé ses frères et leur a dit « Vos frères, s'ils vous rendent satisfaits, vous ne les conseillez pas, et s'ils vous mettent en colère, vous médisez sur eux. Vos frères, s'ils vous rendent satisfaits, vous ne les conseillez pas, et s'ils vous mettent en colère, vous médisez sur eux. » Médite sur la véracité de cette parole. Et telle est la situation de beaucoup de gens malheureusement. Et il a visé par cela que beaucoup de gens, ils sont complaisants envers les gens qu'ils fréquentent. Tant qu'ils sont satisfaits d'eux, qu'ils ne les contrarient pas, même s'ils les voient faire des péchés, ils ne les blâment pas. Il se peut qu'ils voient son ami faire un faux pas, commettre une erreur, être négligent vis-à-vis de certaines obligations. Mais comme il est satisfait de lui, qu'il a certains intérêts à le fréquenter, il ne lui dit rien. Mais le jour où celui-ci vient à le mettre en colère, qu'il le contrarie, qu'il s'oppose à lui sur certaines choses, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il va le conseiller? Non. Il va médire sur lui. Il va parler dans son dos. Et il va porter atteinte à son honneur en son absence. Et telle est la situation de beaucoup de gens, Wallah al-Musta'an. Donc vous voyez que Abbad ibn Abbad, rahimahullah, qui était un grand adorateur, il avait aussi une grande compréhension de cette religion. Et il avait aussi des recommandations profitables. Et malgré son rang et son intelligence, il a demandé à l'imam Sofiane al-Thawri de le conseiller. Et ceci fait partie des nobles comportements que se doit d'adopter le musulman. Si tu souhaites être bien guidé, si tu souhaites emprunter le chemin de la droiture, il te convient de profiter des conseils de ceux qui t'ont précédé sur ce chemin, et plus particulièrement les imams de cette religion et nos grands savants. Il est nécessaire de chercher à profiter de leurs conseils, de leurs orientations et de leurs recommandations, et de revenir à eux afin de leur demander conseil dans tout ce qui nous pose problème. Médite à ce sujet sur les nombreux hadiths qui nous sont rapportés du prophète sallallahu alayhi wa sallam au sujet de compagnons radiyallahu anhum qui venaient lui demander des recommandations. Ô messager d'Allah, adresse-moi une recommandation. Ô messager d'Allah, dis-moi au sujet de l'islam une parole au sujet de laquelle je n'interrogerai nul autre que toi. Un autre lui dit, ô messager d'Allah, indique-moi une œuvre qui, si je la mets en pratique, me fera entrer au paradis. Ô messager d'Allah, indique-moi une œuvre. Si je la mets en pratique, Allah m'aimera, et les gens m'aimeront, et ainsi de suite. Et les musulmans ont continué d'agir ainsi, génération après génération. Et on a déjà eu l'occasion de voir d'autres conseils, écrits, suite à la demande de certaines personnes, comme le conseil de Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, intitulé « Al-Wasiyya Sughra », recommandation précieuse de Cheikh l'Islam, ou encore le conseil de l'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala, à l'un de ses frères, qui lui avait demandé un conseil. Et là, Abbad ibn Abbad, il demande un conseil à Sofiane al-Thawri, rahimahullah. Donc on tire de cela le fait qu'il est nécessaire pour le musulman de demander conseil à ceux qui l'ont précédé sur le chemin de la droiture, ceux qui l'ont devancé sur cette voie, afin de profiter de leur expérience. Car ceux qui nous ont devancés Ils ont pu voir ce que nous, nous n'avons pas encore vu. Ils vont donc pouvoir nous orienter afin que nous évitions certaines erreurs. Ils vont nous faire gagner du temps. Et combien de personnes, en raison de leur proximité avec les gens de science, ils ont pu atteindre un niveau de connaissance qu'il faudrait des années à atteindre pour une personne qui n'est pas liée aux gens de science. Et ça, c'est d'autant plus important en temps de trouble, en temps de fitaine, en temps de divergence, de revenir au conseil des grands savants de la communauté, qui vont nous orienter afin de savoir comment agir et comment se comporter vis-à-vis de ces troubles, et ne pas suivre toute personne qui se met en avant, même si l'on dit de lui que c'est un savant. Comme on le rapporte d'Al-Hassan al-Basri, rahimahullah ta'ala, qui a dit: « Les troubles, lorsqu'ils arrivent, tout savant les reconnaît, et lorsqu'ils partent, lorsqu'ils sont terminés, tout ignorant les reconnaît. » Et ce qui est visé par cela, c'est qu'à la venue des troubles, les savants conseillent, les savants avertissent, mais les ignorants ne comprennent pas. Ils se jettent donc dans ces troubles. Et une fois qu'ils ont bu la tasse de ces troubles, et que ces troubles sont terminés, ils se rendent compte de la bonne voie vers laquelle les savants les avaient orientés et qu'ils auraient dû suivre leurs orientations et revenir à eux et profiter de leurs conseils. Et ça, c'est valable dans la science, dans le prêche, que ce soit en temps de trouble ou non, et dans tous les domaines de la religion. C'est une chose importante de demander conseil et de profiter de ceux qui nous ont précédés. Et aujourd'hui, ceci est un point qui est délaissé par beaucoup de gens, si ce n'est la majorité. Aujourd'hui, on voit des gens, sortis de nulle part, que personne ne connaît, se mettre en avant et se mettre à prêcher, à enseigner la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, sans s'être même demandé s'ils en ont réellement les aptitudes, et sans chercher à profiter des conseils de ceux qui les ont précédés dans cette voie. Et il fait seul son chemin sans se rendre compte du danger qu'il y a en cela, Wallahu al-musta'an. Donc Abbad, rahimahullah ta'ala, ici, il a emprunté cette voie. Il a demandé conseil et orientation à Sofiane al-Thawri, rahimahullah ta'ala. Et Sofiane al-Thawri a répondu à sa demande en écrivant cette lettre remplie de recommandations, de sagesse et d'exhortations. Il a donc commencé cette lettre en disant: Min Sofiane ibn Saïd ila Abbad ibn Abbad. De la part de Sofiane ibn Saïd à Abbad ibn Abbad. C'est ainsi que l'on commence une lettre lorsque l'on écrit. On commence par mentionner qui nous sommes. Et on n'écrit pas en premier lieu le nom du destinataire, mais plutôt le nom de l'expéditeur, afin que la personne, lorsqu'elle ouvre cette lettre, elle sache directement qui l'a écrite. Ensuite, il dit « Salamun alaik ». Il commence par lui adresser « As-salam ». Et ceci est la sunnah. Que ce soit lors des discussions orales ou des discussions écrites, de commencer par adresser le salam. Et lorsqu'on t'adresse le salam par écrit, il t'incombe d'y répondre de la même manière que lorsqu'on te l'adresse à l'oral. Toutefois, il est à souligner que ce n'est pas une condition d'y répondre à l'écrit. Mais si tu y réponds oralement, alors tu auras accompli ton obligation. Et ça, c'est une question importante qui nous aide à comprendre pourquoi il se peut que certains, parmi les mashayikh, parmi les imams, parmi les étudiants en sciences, qui sont beaucoup contactés par les gens, et qui n'ont pas le temps ni la capacité de répondre à tous les messages qu'ils reçoivent. Parfois, certaines personnes leur envoient des messages avec juste « salam » sur les réseaux sociaux, par exemple, ou par mail, ou en message privé, ainsi de suite. Ils écrivent juste « salam wa alaykum » en pensant qu'ils ont ainsi rendu au cheikh, à l'étudiant ou à l'imam la réponse au salam obligatoire, espérant ainsi qu'ils répondent, puis ensuite qu'ils posent leurs questions. Mais il faut savoir que cette personne à qui tu envoies le salam, il lui suffit de répondre oralement. Et elle n'est pas tenue de te répondre par écrit. Donc il est inutile de lui envoyer par la suite un message en lui disant « Répondre au salam est une obligation, tu ne me réponds même pas au salam. Comment un étudiant en sciences ne répond pas au salam ?» ou d'autres paroles semblables. Ceci est une erreur. Car lorsqu'il reçoit le salam, il lui suffit d'y répondre oralement. Et il n'a pas la capacité de répondre à tous les messages qu'il reçoit. Imaginez-vous s'il devait répondre à tous les messages. Il y a parfois des centaines de messages. Il passerait ses journées sur son téléphone ou sur son ordinateur à répondre aux messages des gens. Et il délaisserait ce qui est bien plus profitable et bien plus important que cela. Donc ensuite, Sofiane al-Thawri, après salam, il dit « Fa inni أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو. Cela signifie أحمد الله معك. Je loue Allah avec toi. C'est-à-dire, je loue Allah avec toi pour tous les bienfaits dont il nous a comblés. Celui en dehors de qui? Il n'y a pas de Dieu en droit d'être adoré. On voit donc qu'après le salam, il commence cette lettre par les louanges d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceci fait partie des meilleures des choses par lesquelles on peut commencer une assise ou un écrit. Et c'est par cela que commence le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala après la basmala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ensuite il dit Amma ba'd. Amma ba'd, on le traduit parfois par ceci dit. Et c'est une parole qui était employée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ses sermons ou dans ses écrits et qui est employée par les sermonneurs et autres jusqu'à aujourd'hui. Et cette parole, elle sert à faire la transition entre l'introduction et l'entrée dans le vif du sujet. Et c'est pour cela qu'elle vient souvent en fin des introductions. On a donc vu ici qu'il a commencé par mentionner qui il était, de la part de Sofiane ibn Saïd, adresser le salam, louer Allah subhanahu wa ta'ala, puis ensuite il a prononcé cette parole de transition avant de rentrer dans le vif du sujet, et c'est ce que nous verrons dès demain, incha'Allah ta'ala. On va donc s'arrêter là pour aujourd'hui. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. والحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خيرا